Maintenant Dieu est revenu dans le monde pour faire son œuvre. Et son premier arrêt est le grand rassemblement de dictateurs. La Chine, le puissant bastion de l'athéisme. Par sa sagesse et sa puissance, Dieu a gagné un groupe d'hommes. Pendant ce temps, le parti régnant en Chine le pourchasse par tous les moyens. Il endure de grandes souffrances et sans abri ou lieu de repos. Pourtant Dieu poursuit l'œuvre qu'il a faite. Sa voix résonne répand l'évangile. Ce que Dieu désire accomplir en qu'un pays, aucune puissance ne peut l'empêcher. Ce qui obstrue l'œuvre de Dieu à sa parole, perturbe et altère ses plans, se rend à la fin puni par Dieu, puni par Dieu. Nul ne peut sonder l'omnipotence de Dieu. Dans une nation comme la Chine qui voit Dieu comme un ennemi, Dieu n'a jamais cessé de faire son œuvre. Au contraire, de plus en plus de gens ont accepté son œuvre et sa parole. Car de fait, tout ce qu'il peut pour sauver toute l'humanité, tout ce qu'il peut. Détruira ce pays, le détruira.